إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 34 dans l'explication du livre اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله avec les explications du Cheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan. Et le Cheikh Salih al-Fawzan, il met des commentaires très bénéfiques sur ce livre qui facilite la compréhension. Hein? Et donc, on commence tout de suite avec le point numéro 133. On est toujours dans l'explication du hadith qui parle de la division de la Ummah en 73 sectes. Et qu'il y en a une seule qui va au paradis dans ces 73. Donc, le Cheikh ابن تيمية الزيف عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفترق اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة والنصارى مثل ذلك وتفترق أمتي على 73 فرقة رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح وعن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. Donc, il ramène maintenant d'autres versions du hadith qu'on a lu la semaine dernière. La semaine dernière, on a lu le hadith qui était la version de Amr. La version de Abdullah ibn Amr. Et Inam, qui mentionne que les sahabas ont posé la question laquelle de ces 73 sectes sera sauvé, et il a répondu celle qui suit ce que je suis moi-même aujourd'hui ainsi que mes compagnons. Et donc aujourd'hui on lit d'autres versions de ce même hadith, et c'est pour ça que les ulama ils disent, parce que les différentes versions de ce hadith elles s'accumulent et elles se renforcent les unes les autres, ce qui fait que le hadith il est sahih. Hein? Et il y a certaines versions du hadith qui sont hassan. Et donc Cheikh Al-Albani il a fait le takhrij de ces hadiths dans Silsilat al-Ahadith al-Sahiha, et il a mentionné leur authenticité. Le Cheikh il dit selon Muhammad ibn Amr, selon Abi Salama, selon Abi Huraira radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit les juifs se sont divisés en 71 sectes ou 72 sectes, et les chrétiens la même chose, et ma umma se divisera en 73 sectes. Et ça rapporté par Abu Daoud, Ibn Majah et At-Tirmidhi, et il a dit c'est un hadith qui est hassan sahih. Et selon Muawiya Ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Les gens des deux livres, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, ils se sont divisés dans leur religion en 72 sectes ou en 72 voies. Et cette umma se divisera en 73 millah. Et il dit, c'est-à-dire passion, hein, comme les différentes passions. Et il dit, elles seront toutes en enfer excepté une, et c'est la jama'a, c'est-à-dire c'est le groupe. Maintenant, le cheikh Salih Al-Fawzan, il va faire l'explication maintenant de ces deux hadiths. Il dit, « هذان الحديثان كالحديث السابق قد أشار الشيخ إلى تعدد رواياته وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا شك فيه والواقع يشهد لذلك فإن الأمة الآن متفرقة إلى شيع وأحزاب وقال الله سبحانه كل حزب بما لديهم فرحون أي يفرحون بما هم فيه من الضلالة لأنهم يحسبون أنهم مهتدون وهذا من تمام الفتنة وهذا من روايات وهذا الحديث برواياته فيه الرد على الفرق الضالة والحزبيين الذين يشككون في صحته لأنه يرد عليهم إلا الذين ثبتوا على الحق لأنه يرد عليهم إلا الذين ثبتوا على الحق وهم أهل السنة والجماعة وإن كانوا قليلين فأهل السنة والجماعة يقلون أحيانا حتى ولو لم يبقى منهم إلا واحد فإنه يسمى أهل السنة والجماعة. Donc le Cheikh Al-Fawzan il dit, ces deux hadiths comme le hadith précédent, Cheikh Al-Islam a indiqué qu'il y avait plusieurs narrations de ce même hadith et qu'elles étaient nombreuses, ces narrations. Et c'est un hadith qui est affirmé, qui est authentifié, hein, de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dont l'authenticité n'est pas, il n'y a pas de doute à son sujet. Hein, c'est une authenticité qui est, au sujet de laquelle il n'y a pas de doute. Et il dit, et la réalité témoigne de la véracité de ce hadith. La réalité dans laquelle on vit actuellement, quand on regarde les musulmans, comment ils sont divisés entre eux, ça confirme qu'est-ce que ce hadith-là mentionne, qu'il y a des divisions, effectivement, dans la Ummah. Et il dit, les musulmans, aujourd'hui, sont divisés en différents partis et en différents groupes. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, chaque groupe se réjouisse de ce qu'il possède. Chaque groupe se réjouisse de ce qu'il possède avec eux. C'est-à-dire, ils se réjouissent de ce qu'ils ont comme égarement. Et ils pensent qu'ils sont bien guidés. Ils se réjouissent de ce qu'ils ont comme égarement. Et ils pensent qu'ils sont bien guidés. Et ça, c'est la fitna, hein, c'est-à-dire la tentation et l'égarement et le désordre total. Ça, c'est la fitna totale. Il dit que ce hadith, avec toutes ses différentes versions et narrations, réfute les différentes sectes d'égarement et les différents gens qui font partie des différents groupes et des hizbiyin, qu'on appelle les hizbiyin, c'est-à-dire ceux qui défendent les différents groupes et les différentes sectes et les différents partis d'égarement. Ce sont eux qui mettent des doutes ou qui cherchent à mettre des doutes au sujet de l'authenticité de ce hadith-là. Pourquoi ? Parce que dans ce hadith-là, il y a la réfutation de ces groupes-là. Il y a la réfutation de ces différentes sectes. Hein? Et ce hadith, il réfute tout le monde, excepté, il réfute tout le monde, c'est-à-dire toutes ces sectes, excepté ceux qui sont restés sur la vérité, c'est-à-dire ceux qui sont restés sur la sunna et sur l'exemple des sahaba. Et ce sont les gens de la sunna et de la jama'a. Et ils sont peu nombreux. Et ils sont peu nombreux parce que les gens de la sunna, parfois ils sont moins nombreux, parfois ils sont peu nombreux. Ça dépend de l'époque, ça dépend de l'endroit. Tu peux voir que parfois dans certains lieux, dans certains pays, dans certaines villes, les gens de la sunna sont très très peu. Et les gens de la bid'a sont très nombreux et très forts. Dans d'autres pays, dans d'autres villes, les gens de la sunna sont très nombreux et les gens de la bid'a sont peu, hein, et très faibles. Donc les gens de la sunna sont forts, les gens de la sunna sont faibles. Donc on voit que c'est quelque chose qui n'est pas quelque chose de constant dans l'espace et en même temps aussi dans le temps. Dans le sens que à travers le temps, c'est possible que yani, à une certaine époque, les gens de la sunna sont nombreux et à une autre époque, les gens sont moins nombreux. Tu comprends? Donc, le groupe sauvé et les gens de la sunna, c'est pas un groupe qui est nécessairement uni physiquement dans un lieu où ils sont tous réunis ensemble en même temps. Un peut être en Chine, un peut être en Espagne, un peut être en Mauritanie, un peut être en Arabie Saoudite, un peut être ailleurs. Et dans certains endroits, il y en aura une centaine. Dans une autre ville, il y en aura des milliers. Hein? Et dans une autre, il y en aura peut-être des dizaines de milliers. Donc ça dépend de l'endroit, ça dépend du lieu, ça dépend de l'époque. Hein? Et il dit, c'est-à-dire que ces différents groupes, ils se réjouissent donc de l'égarement qu'ils ont et ils mettent des doutes sur l'authenticité de ce hadith. Mais ce hadith réfute tout le monde, excepté les gens de la vérité, les gens de la sunna, même s'ils sont peu nombreux. Les gens de la sunna, parfois ils sont peu nombreux, parfois ils sont plus. Et il dit que même si parfois dans certains endroits il n'y a qu'une seule personne qui est sur la sunna, c'est lui la jama'a. Si dans une région ou dans une ville ou dans un endroit en particulier, à un certain moment donné, il y a une seule personne qui est sur la sunna, dans ce cas-là c'est lui, tout seul, il représente la jama'a. Hein? Et pour comprendre ça, il y a un bon exemple, c'est l'exemple d'Ibrahim alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à propos d'Ibrahim qu'il était une umma à lui tout seul. Il était une umma. Hein? Kana umma. Et la même chose pour le terme jama'a. Ça désigne pas un nombre nécessairement ou un grand nombre de personnes, mais ça désigne ceux qui s'accrochent à la vérité et qui restent fermes sur le Coran et la Sunna et la compréhension des salafs de cette umma, peu importe les gens qui les ont contredits sur cette vérité-là. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important. Parce qu'il y a des groupes, comme par exemple les frères musulmans ou d'autres, qui s'imaginent qu'ils sont le groupe sauvé ou qu'ils sont sur la vérité uniquement parce qu'ils sont le groupe ou la secte qui a le plus grand nombre de fidèles ou de gens qui sont sympathisants à leur groupe ou à leurs idées. Or, les gens de la sunna et de la jama'a, ça ne désigne pas nécessairement un groupe par rapport à un nombre, comme on a expliqué, mais par rapport au fait de s'accrocher à la vérité. Et le cheikh, il dit, à ce sujet-là, il dit « Kama kana min hal al-imam Ahmad inda fitnati al-qawl bi khalq al-Qur'an haythu sabara ala al-haq مع ما ناله من التعذيب والسجن حتى سمي الإمام إمام هذه السنة إمام هذه السنة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء لأن الإسلام أول ما بدأ بالرسول صلى الله عليه وسلم ثم تبعه الأفراد حتى صاروا أمة كما في قوله تعالى ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه الآية وسيعود الإسلام غريبا في آخر الزمان لكثرة من يخالفه وقلة من يثبت عليه حتى لربما لا يثبت عليه إلا أفراد معدودين أو معدودون نعم لا يثبت حتى لربما لا يثبت عليه إلا أفراد مردودون يكونون غرباء في الناس. Donc le cheikh il dit comme par exemple qu'est-ce qui est arrivé à l'imam Ahmad ibn Hanbal, il était tout seul dans la fitna à avoir tenu tête au Mu'tazila, dans la fitna de khalq al-Qur'an, de la parole, c'est-à-dire que c'est la fitna qu'on appelle fitnatu ou mihnatu al-qawl bi khalq al-Qur'an. Parce qu'il y a une époque, à l'époque du khalifa qu'on appelle al-khalifa al-ma'moun, c'est un des khulafa de la Umma, à un certain moment donné, il a été influencé par les idéologies de la secte des Mu'tazila. Et un des principes de la secte des Mu'tazila, c'est qu'on ne doit pas affirmer des attributs à Allah. Pour eux, tout attribut qui serait affirmé à Allah subhanahu wa ta'ala correspondrait à faire une ressemblance avec la créature, et la création. Donc pour eux, ça voudrait dire qu'on ferait ressembler le créateur à la créature, à sa création. Et donc pour eux, ça c'est une forme de kufr. Bien entendu, de faire ressembler le créateur à la créature, ça c'est du kufr. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est du shirk. Sauf qu'ils ont fait rentrer dans la ressemblance et dans le shirk, qu'est-ce qui n'en faisait pas partie? Parce qu'ils ont considéré que toutes les attributs qui sont mentionnés dans le Coran et dans la Sunna faisaient partie des attributs des créatures. Et ils n'ont pas distingué entre le fait que ces attributs-là soient attribués à Allah ou à des créatures, pour comprendre qu'elles sont différentes et distinctes, et que Allah subhanahu wa ta'ala, les attributs qu'il s'est donnés ne sont pas les attributs qui sont comparables à celles de sa création. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala dit par exemple qu'il a une main ou qu'il est au-dessus de son trône, mais ça ne veut pas dire que sa main est semblable à la main des créatures. La même chose que lorsqu'il dit qu'il est al-hayy, il est vivant, et que une de ses attributs c'est al-hayat, ça ne veut pas dire que parce que nous aussi on est vivant que la vie, notre vie et la vie d'Allah, c'est semblable. La vie d'Allah, elle est parfaite et infinie, elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin, tandis que notre vie à nous, elle est limitée, elle a un début, elle était précédée par le néant, tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas le cas. Et notre vie, elle aura une fin. Dans cette dunya, donc, on sait que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, sa vie, elle n'a pas de fin. Et la même chose pour la vue d'Allah, et la même chose pour l'ouïe d'Allah, et la même chose pour toutes les autres attributs d'Allah, elles ne peuvent pas être comparées à celles des créatures, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfait, tandis que les êtres humains ne sont pas comparables. Et donc, il n'y a pas de tashbih, il n'y a pas de ressemblance, mais eux, ils ont mal compris la religion d'Allah. Et donc, à cause de ça, ils ont nié que Allah parle. Ils ont dit, même si Allah il dit dans le Coran qu'il parle et que le Coran c'est sa parole, malgré tout, nous on ne va pas l'accepter. Et on va le renier. Et on va interdire aux gens de le dire. Et on va même forcer tous les imams et tous les ulamas et tous les responsables des musulmans de dire que le Coran est créé et non pas la parole d'Allah. Et donc, à cause de ça, ils ont torturé et tué plein de savants et plein d'imams, et il y a eu une grosse fitna à cette époque-là à cause de cette question. Et l'imam Ahmad fait partie des imams qui ont tenu tête aux Mu'tazila et qui ont défendu la sunna et qui ont affirmé les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là. Et donc il est resté ferme et solide et il a défendu la vérité alors qu'il était tout seul. Il n'y a personne qui a tenu tête dans cette fitna plus que lui. Alors, on l'appelle à cause de ça l'imam de la sunna. Parce qu'il a enduré la prison, il a enduré la torture, il a enduré tout ce qu'il a subi pour défendre la sunna. Et c'est pour cette raison qu'on l'a appelé l'imam de Ahl Sunna. C'est l'imam des gens de la sunna. Et ça, ça correspond à l'exemple de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith lorsqu'il dit que l'islam a débuté de façon étrange et elle va redevenir étrange comme elle a débuté, alors annoncez la bonne nouvelle du paradis aux étrangers. Al-Ghuraba. Et le cheikh, il explique ensuite, il dit que l'islam, lorsqu'il a débuté l'islam, il a débuté par le messager sallallahu alayhi wa sallam, puis il a été suivi par des individus qui étaient peu nombreux, jusqu'à ce que ça devienne une umma, une nation complète. Et il dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه الآية. Donc il mentionne comme exemple la parabole qui est donnée dans sourate je crois que c'est dans sourate Muhammad ou dans sourate à la fin de sourate Al-Fath non, à la fin de sourate Al-Fath, où Allah subhanahu wa ta'ala donne l'exemple du messager d'Allah et de ses compagnons, et il les compare à une plante qui pousse sur sa tige et qui est renforcée par des petites pousses qui grandissent autour et qui s'épaississent et qui se dressent, et ainsi de suite. Donc tout ça c'est pour montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé sa da'wa tout seul, et Allah subhanahu wa ta'ala a fait que des gens se convertissent après et viennent porter un genre de renfort à ce messager dans la transmission de son message, et venir yani le seconder et l'aider et le supporter dans cet effort-là et dans ce travail-là. Et donc c'est ainsi que l'islam s'est propagé la première fois, et c'est ainsi qu'elle va revenir et elle va redevenir étrange vers la fin des temps également, à cause de la quantité de gens qui vont s'y opposer, et le peu de nombre des gens qui vont rester fermes sur l'islam. Donc il y aura plus de gens qui vont s'égarer et qui vont opposer l'islam que de gens qui vont s'y accrocher et vont rester fermes. Et il dit que c'est à un tel point que peut-être qu'on trouvera que quelques individus seulement qui vont rester fermes sur l'islam. Tous les autres vont devenir des ghuraba, c'est-à-dire des étrangers. Il donne la définition de al-gharib. Le singulier de ghuraba, c'est gharib. Ghuraba, c'est le pluriel. Gharib, c'est le singulier. Donc le cheikh, il dit wal-gharib huwa alladhi ya'ishu bayna dhahranay hadha ghayr ahlihi. Alladhi ya'ishu bayna dhahranay ghayr ahlihi wa fi ghayr baladihi. فالمتمسك بالسنة يكون غريبا في آخر الزمان وتشتد الغربة عليه لأن أكثر الناس مخالفون له وإن كانوا يدعون الإسلام ويتشدقون بالانتساب إليه. Donc le cheikh il dit que al-gharib, l'étranger, c'est celui qui vit parmi les gens qui ne sont pas de sa famille ou qui ne sont pas de son peuple. Ok, c'est des gens de qui il n'est pas familier avec eux. Donc c'est ça l'étranger. Et il dit, et il vit également à l'extérieur de son pays. Donc ça veut dire il est chez des gens qu'il ne connaît pas bien, chez des gens étrangers. C'est ça l'étranger. Il dit ensuite que celui qui s'accroche à la sunna, il va être comme un étranger dans la fin des temps. Et son étrangeté va être de plus en plus dure pour lui, parce que la plupart des gens vont l'opposer, ils vont le contredire. Même si la majorité des gens prétendent être musulmans, être sur l'islam, et qu'ils se disent musulmans. Tu vois, donc même si tu vis parmi des gens qui se disent musulmans, ils disent ouais nous on est musulmans, on fait la prière, mais malgré tout celui qui s'accroche à la sunna sincèrement et sérieusement, il paraît parmi les musulmans comme si il fait pas partie d'eux, comme s'il était étranger, tu vois. Donc ça c'est l'exemple des ghuraba mentionnés ici. Ensuite le cheikh il dit ففي هذا الانتساب ففي هذا الحديث عفوا وفي هذا الحديث أن الواجب على المسلم أن يثبت على الحق مهما كلفه الأمر حتى ولو لم يكن على الحق غيره. فإن في الثبات على الحق طاعة الله ورسوله. والله يقول: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وإن خالفك أكثر الناس فلا تستوحش، لأنك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وكيف يستوحش من كان هؤلاء رفيقه؟ Le Cheikh, il dit un bon point ici. Il dit que dans ce hadith, il y a le fait qu'il est obligatoire pour le musulman de rester ferme sur la vérité, peu importe qu'est-ce que ça lui coûte. Peu importe qu'est-ce que ça lui coûte et qu'est-ce que ça lui demande. Il dit, même si tu restes tout seul sur la vérité, qu'il n'y a personne d'autre qui suit la vérité avec toi. Et ça, c'est quelque chose qui est dur pour l'être humain. C'est quelque chose qui est dur pour l'être humain, parce que l'être humain, en général, il n'aime pas rester seul. Et il n'aime pas être seul. L'être humain, en général, il aime être accompagné des autres. Il aime être en leur compagnie et il aime que les autres soient avec lui. Et il aime être avec les autres. Quand il est quelque part et que les gens le rejettent ou les gens le repoussent, il se sent triste, il se sent isolé, il se sent pas bien. Il aime se sentir accepté des gens. Sauf que quand il va accrocher son cœur et sa vie à la sunna, il va pas être accepté des gens. Et donc, à cause de ça, il va se sentir étranger parmi eux. Et du fait qu'il se sent étranger, il va avoir à endurer cette solitude. Il va avoir à endurer ce sentiment de rejet de la part des gens. Et ça demande de la force, de la patience. Donc, le cheikh, il dit, à tout prix, tu dois rester ferme sur cette vérité. Même si tu dois rester seul sur la vérité, parce que de rester accroché à la vérité, c'est une obéissance à Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et celui qui obéit à Allah et à son messager, alors ceux-là sont avec ceux qui ont, alors ceux-là sont avec ceux sur qui Allah a mis sa grâce, parmi les prophètes, les véridiques, les témoins, ou les martyrs, et les hommes pieux. C'est-à-dire que si la plupart des hommes te rejettent, ne te sens pas, yani, affecté par ça. Ne te laisse pas, yani, te sentir affecté par ça d'une manière à te sentir rejeté. Parce que tu es avec la meilleure des compagnies, en réalité. Tu seras ressuscité avec qui? Avec les prophètes, avec les véridiques, avec les martyrs et avec les hommes pieux. Donc c'est ceux-là tes compagnons. C'est avec eux que tu vas être. Donc comment tu pourrais te sentir seul alors que ceux-là sont tes compagnons? Comment tu pourrais te sentir seul alors que ceux-là sont tes compagnons? Donc ça, c'est très important. De rester ferme. Et là, qu'est-ce qu'on veut dire par là, en même temps, un petit point pour en profiter, pour clarifier peut-être une shubha ou une ambiguïté. Dernièrement, on a vu que certains individus, par exemple, ils vont commettre des actes de terrorisme ou des actes, ils vont tuer des gens au nom de l'islam. Et dernièrement, on a vu dans les médias, ils ont dit, où ils ont mis certains signes ou certains signes pour distinguer ou pour reconnaître quand quelqu'un se radicalise dans son islam. Et donc dans ces signes-là, ils ont dit, si vous voyez que une personne commence à s'isoler, commence à rester seule, commence à cesser de socialiser avec les gens, il cesse d'aller dans les discothèques ou dans les bars, il commence à porter ses pantalons en haut de la cheville, il commence à laisser pousser sa barbe, il commence à cesser de se mélanger avec les femmes, il commence à faire des choses comme ça, alors il dit, ça veut dire que il y a un danger maintenant. Alors que tout ça, c'est des choses qui font partie de l'islam. Yani, ça, ça n'a rien à voir avec le fait d'être un extrémiste ou un radical ou un terroriste ou des choses de ce genre. En fait, c'est juste simplement simplement c'est de s'accrocher à l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui fait partie de qu'est-ce qui est à craindre et qu'est-ce qui est dangereux? C'est pas lorsque quelqu'un commence à pratiquer la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de s'écarter de ce qui est haram et de faire ce qui est obligatoire. Mais qu'est-ce qui est à craindre? C'est lorsque quelqu'un s'isole et qu'il commence à se tenir avec des gens de takfir, des gens qui ont des idées, des khawarij, qui propagent ces sites internet là, ou qui commencent à propager ces références là aux gens et qui commencent à les écouter. Là, il y a un danger, parce que même s'il n'a pas de barbe, même s'il n'a pas les pantalons en haut de la cheville, même s'il ne cesse pas de se mélanger avec les femmes, mais qu'il a ses idées de khawarij, c'est là qu'il va devenir un danger s'il fait des actes avec ses idées. C'est pas avec son apparence. Parce que, au contraire, celui qui s'accroche à la sunna et qui s'accroche pas seulement à la sunna dans son apparence, mais en plus, il s'accroche à la sunna dans la croyance et dans la méthodologie et dans la manière de comprendre les textes, et il reste fidèle à la compréhension des salaf al-salih, il va jamais tomber dans ces exemples d'extrémisme, d'exagération ou d'égarement. Hein? C'est ça donc la différence entre le fait de dire que quelqu'un doit rester sur la vérité, même s'il va être seul, même si personne ne voudra plus rester en sa compagnie, parce qu'ils vont dire « Ah, toi t'es pas intéressant. Avant t'étais drôle, avant on rit avec toi, avant t'étais cool, avant tu faisais ci, tu faisais ça, maintenant tu veux plus rien savoir. Hein? Avant tu... » Il y en a tout ça, subhanallah. C'est comme des histoires, des fois que j'avais rencontré des gens qui me connaissaient avant l'islam, et là ils me disaient « Oh mais tu sais, si t'étais resté comme t'étais avant, peut-être que t'allais devenir ça, peut-être que t'allais être ça, peut-être que t'allais être très riche, peut-être que t'allais être très... Hein? » Je dis « Moi maintenant tout ça, ça ne veut plus rien dire pour moi. Moi maintenant, qu'est-ce qui est important pour moi, c'est d'adorer mon Créateur. Même si je suis tout seul, même si plus personne va me suivre. » Hein? C'est comme par exemple maintenant, tu vois, il y a des vedettes ou des gens qui vivent dans le haram, des musulmans ou des non-musulmans, et bien ils ont sur internet des millions de personnes qui les suivent. Si demain ils cessent de faire le haram et ils deviennent musulmans pratiquants, ou ils commencent à pratiquer l'islam comme il faut, peut-être qu'il va perdre tous ses suiveurs. Hein? Plus personne ne voudra le suivre. Alors là, il va dire, bon, ben, avant, quand je faisais qu'est-ce qui est haram, vous me suiviez et vous étiez content de moi. Maintenant que je commence à être en train de satisfaire mon Créateur et à vouloir plaire mon Créateur, vous commencez à vous mettre contre moi et vous ne voulez plus me suivre. Tant pis. Parce que pour moi, l'agrément d'Allah est plus important que l'agrément des créatures. Si tu as compris ça, alors tu as tout compris, hein? C'est ça le plus important. Le cheikh il dit wa an Muawiya radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam innahu sayakhruju min ummati. Ça c'est la parole de cheikh Ibn Taymiyyah. Il dit innahu, yani il mentionne le hadith. Il dit innahu sayakhruju min ummati aqwam tatajara bihim tilka lahwa كما يتجارى الكلب في بصاحبه فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به. C'est rapporté par Abu Daoud, Ahmed. Hein? Et c'est rapporté selon Muawiya. Qu'est-ce que ça signifie ce hadith? Ça veut dire que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il va sortir dans ma umma des gens, les passions vont couler dans leurs veines ou dans leur corps de la même manière que la rage quand quelqu'un est mordu par un chien enragé, il devient avec la rage, eh ben ça rentre partout dans son corps, ça prend le contrôle de son être. Il devient enragé. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un qui était enragé ou un chien enragé, avec la bave et tout. Donc c'est ça, c'est une maladie. Ça s'appelle la rage. Eh bien, c'est un peu comme ça, la bid'a, quand elle rentre dans quelqu'un. Quand quelqu'un il absorbe la bid'a, il devient comme un chien enragé. Et ça c'est l'exemple que tu vois souvent avec les khawarij. Subhanallah, quand tu les vois comme quand ils sont affectés par la bid'a des khawarij, ils ne peuvent plus penser à autre chose que la voie des khawarij et les idéologies des khawarij. C'est comme s'ils ont été mordus par un chien. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les appelle les chiens de l'enfer. Le cheikh il dit ensuite, il reste pas une veine ou une articulation excepté que la passion elle rentre dedans dans son corps. Ça veut dire il reste pas un endroit excepté que la bid'a elle rentre en lui, ça l'envahit complètement. Et c'est ça l'exemple de les passions. Le prophète sallam a dit tatajara bihim al-ahwa kama yatajara al-kalab bi sahibihi fala yabqa minhu 'irq wala mafsal illa dakhalahu. Il a dit, et je jure par Allah, ô vous les Arabes, ô vous assemblée d'Arabes, que si vous ne prenez pas ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ramené, eh bien sachez que d'autres que vous ne pourront pas le tenir mieux que vous. Si vous ne le faites pas, les autres risquent de ne pas pouvoir le faire eux aussi. La ghayrukum min an-nas ahra an la yaquma bihi. Il dit, wa hadha hadithun mahfudhun min hadith Safwan ibn Amr an al-Azhar ibn Abdullah al-Harazi عن أبي عامر عبد الله بن يحيى عن معاوية ورواه غير واحد منهم أبو اليمان أبو المغيرة ورواه أحمد وأبو داود في سننه وروى ابن ماجة هذا المعنى من حديث صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عوف بن مالك الأشجعي ويروى من وجوه أخر وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بافتراق أمته على 73 فرقة و72 لا ريب أنهم خاضوا كخوض الذين من قبلهم. Donc le cheikh il dit que ce hadith il est préservé. Et il fait partie des hadiths rapportés par Safwan ibn Amr, selon Al-Azhar ibn Abdullah al-Harazi, selon Abi Amir, Abdullah ibn Yahya, selon Muawiyah. Donc il donne la chaîne de transmission du hadith, et il dit qu'il a été rapporté par d'autres également, comme Abu al-Yaman, Abu al-Mughira, et il a été rapporté par Ahmad, Abu Daoud, et Abu Daoud dans son Sunan. Et Ibn Majah a rapporté la même signification que ce hadith, mais selon Safwan ibn Amr et Rashid ibn Sa'd et Auf ibn Malik al-Asja'i, et il est rapporté de différentes façons également. Il dit ensuite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé au sujet de la division de la Umma en 73 sectes et en 72 sectes. Il dit qu'il n'y a pas de doute que ceux qui sont dans ces 72 sectes, ils ont pataugé, ou bien plutôt disputé à tort et à travers, comme ceux qui les avaient précédés ont pataugé à tort et à travers au sujet de leur croyance et de leur religion. Il dit, Cheikh Al-Fawzan, donc on va lire cette explication. Je pense que c'est une des plus longues. Une des plus longues à date. Je ne sais pas si on aura le temps de tout. de tout lire. On va essayer. Le cheikh il dit: بيّن صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث السبب الذي من أجله تفرق الناس في الأمم السابقة وهل السبب خفاء الحق؟ لا والله الحق واضح أبلج ولكن السبب اتباع الهوى فإن كثيرا من الناس لا يريدون الحق أو لا يريد الحق إنما يريد هواه وهذا هو السبب في تفرق الأمتين وهذه الأمة ولهذا قال تعالى محذرا نبيه ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون وقال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم فالحق واضح وإن لم يكن ولم يكن تركهم له عن جهل وإنما تركوه لأنه يخالف أهواءهم وهم إنما يريدون ما يوافق أهواءهم والأهواء مختلفة ومتعددة فلذلك لا يجتمعون فإن كل واحد منهم يريد أن يحقق رغبته ويتمسك برأيه ويصر عليه لأن صاحب الهوى لا يمكن أن يرجع حتى وإن بين له الحق وجليت الأدلة. Donc le cheikh il commence en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith il a expliqué la cause pour laquelle les gens se sont divisés dans les nations précédentes. Est-ce qu'ils se sont divisés parce que la preuve était cachée? C'est-à-dire, est-ce qu'ils se sont divisés parce que la vérité leur a été cachée? Non, par Allah, je jure que ce n'était pas pour ça. Parce que la vérité, elle est claire. Mais c'est à cause du fait qu'ils ont suivi la passion. Ils ont suivi la passion. Et il dit que beaucoup de gens ne veulent pas la vérité. Et ça, c'est une chose que beaucoup de gens, parmi les hizbiyin ou parmi les gens de la, les ignorants, ils veulent pas prendre en considération. C'est comme si quand tu parles par rapport à quelqu'un, par exemple, qui défend des choses qui sont contraires à la sunna, contraires à la vérité, et qui penche vers la bid'a. Alors toi tu lui parles et tu lui expliques la vérité et tu le réfutes. Et les gens commencent à te dire, mon frère, peut-être que la personne c'est un ignorant. Peut-être que c'est un ignorant si tu lui as jamais parlé, tu ne le connais pas la première fois. Mais quand ça fait 10 ans que tu lui dis et que tu lui expliques et que tu lui donnes les preuves et qu'il continue, est-ce que tu peux encore dire que c'est parce qu'il est ignorant? Non, c'est pas possible. Donc cette personne, c'est pas l'ignorance qui fait que la personne est égarée, c'est à cause de sa passion et elle n'aime pas ou elle ne veut pas la vérité. Et ça c'est quelque chose, il y a des gens, ils veulent pas considérer cet élément-là. Ils veulent pas accepter cette possibilité-là. C'est comme si c'est comme pour eux, non, ça c'est pas possible que quelqu'un veuille volontairement et consciemment l'égarement et la fausseté. Et hélas, pourtant, ça existe. Il y en a plein de gens qui sont comme ça. Que même s'ils savent que ça c'est bon et ça c'est mauvais, ils vont prendre le mauvais parce que c'est ça ce qu'ils veulent. Et c'est parce que c'est ça qu'ils aiment. Mais si tu lui dis c'est ça la vérité, et il le sait lui-même, et il a la preuve que c'est la vérité, mais il choisit volontairement de suivre l'égarement à cause de sa passion. Ça c'est dans la religion, subhanallah. Donc il y a des exemples des gens que tu lui dis ya akhi, la ilaha illallah, ça veut dire que tu ne dois pas adorer rien d'autre que Allah, et lui il adore la tombe, il adore le saint, il adore le ci et ça. Tu lui dis mais c'est écrit dans le Coran que tu ne dois rien associer avec Allah. Je sais, mais bon, ça c'est pour moi, mes parents ils faisaient ça, mon cheikh il fait ça, ça c'est le haqq. Donc il ne veut rien savoir, tu vois, il ne veut pas suivre. Il suit quoi? Il suit sa passion. Donc le cheikh il dit parce que beaucoup de gens ne veulent pas la vérité, mais ils veulent seulement leur passion. Et c'est ça la cause de la division des deux nations qui nous ont précédés et de cette umma aussi. De cette nation aussi. Parce que dans cette umma, il y a des gens qui volontairement aiment et veulent suivre le faux et qui n'aiment pas la vérité. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit comprendre et on doit accepter. C'est pas d'être naïf et d'être naïf de dire ou de penser naïvement que tout le monde est innocent et que tout le monde veut juste la vérité, mais ils n'ont pas la connaissance. Ça, c'est pas être réaliste. C'est pas être conscient de la réalité de la nature humaine. C'est pas être réaliste de la réalité concrète de qu'est-ce qui se passe. Hein? Subhanallah. Donc, il mentionne des versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a averti le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a averti son prophète. Ne suis pas la passion de ceux qui ne savent pas. Donc ça veut dire que même ceux qui ne savent pas, ils suivent leur parfois ils suivent leur passion. Hein? Ça veut dire que même si tu vas leur expliquer l'affaire, s'ils étaient juste des gens ignorants qui veulent la vérité, quand tu leur dis la vérité, que tu leur donnes la preuve, tout de suite ils vont suivre. Ils ne vont pas disputer ou argumenter avec toi. Mais si ce sont des gens qui suivent leur passion, peu importe le nombre de preuves que tu vas leur amener, même si tu vas leur ramener des livres, une pile de livres qui va jusqu'au plafond, et que tu les sors et que tu leur montres un à un les hadiths et tout, ah non, je suis pas convaincu, mon frère, non, c'est pas ça. Hein? Subhanallah, c'est comme celui qui débat et qui argumente pour défendre les khawarij et la méthodologie et la voie des khawarij. Tu lui dis, il y a les hadiths sur ça, et là tu lui sors les hadiths dans Muslim et dans Sahih al-Bukhari, et tu lui ramènes les paroles des salafs, et tu lui ramènes les paroles des ulama contemporains, les paroles des ulama du passé, et tu lui expliques le contexte, et tu lui parles des conséquences négatives sur le plan de la dunya. Hein? Pas juste sur le plan de la religion, en plus sur les preuves concrètes et les faits réels. Ah non, mon frère, ça c'est qu'est-ce qu'ils font, c'est correct, c'est. Hein? Il y en a un, même une fois, subhanallah, tu sais ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, ça là, c'est les rapporteurs de hadiths, ils ont écrit ces hadiths-là pour faire plaisir aux dirigeants. Allez, subhanallah. Et si tu dis ça, ça veut dire que tu peux dire ça à propos de n'importe quel hadith, n'importe quel hadith que tu ne veux pas accepter. Tu vas dire, ah oh, mais ça il a écrit pour telle chose, ou telle raison, ou telle personne. Ça veut dire que tu es en train de renier la sunna. Et tu ne veux pas accepter ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parce que c'est en contradiction avec tes désirs, parce que toi tu as des idées politiques et des idéologies politiques qui sont en contradiction avec les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, parce que tu ne veux pas accepter le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu commences à essayer de mettre en doute l'authenticité du hadith. Et tu essaies de prétendre que ces hadiths-là ont été fabriqués, alors que tu n'as aucune preuve de ça. Et alors que toute la umma s'est mise d'accord pour dire que ces hadiths-là sont sahih, hein, avec la chaîne de transmission et les paroles des ulama à ce sujet. Donc, subhanallah, comment tu peux remettre en question la vérité qui vient dans la sunna, et que tu sais que Allah il a protégé la sunna comme il a protégé le Coran. Hein? Donc le cheikh il dit un autre exemple, un autre verset, le verset 50 dans surat al-Qasas, il dit, et s'ils ne te répondent pas, alors sache qu'ils ne veulent que suivre leur passion. C'est-à-dire, si les gens à qui tu parles, les mouchriquins, les kuffars, les gens du livre, et ainsi de suite, et les gens de bid'a, tu les appelles à la sunna, tu les appelles au tawhid, tu les appelles à la vérité, et ils ne veulent pas te suivre, alors pose-toi pas 10 millions de questions pourquoi ils n'acceptent pas. Sache qu'ils veulent uniquement suivre leur passion. Allah subhanahu wa ta'ala le dit, فَإِلْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. Sache qu'ils ne veulent uniquement que suivre leur passion. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Subhanallah. La vérité, elle est claire. Hein? Et il dit, et ils n'ont pas abandonné la vérité qui est claire à cause de leur ignorance. Donc, c'est vrai que peut-être certains l'ont fait par ignorance, mais ce n'est pas la majorité, ce n'est pas tous. Hein? C'est pas tous. Et il dit, ils l'ont uniquement abandonné la vérité parce qu'elle contredit leurs désirs et leurs passions. Et eux, ils veulent uniquement ce qui est en accord avec leurs passions. et les passions sont divergentes et sont multiples. Hein? Les passions, ce n'est pas une passion, c'est des passions. Et elles ne sont pas toutes unies en accord, et ça ne s'accorde pas toutes. Non, elles sont nombreuses et elles sont contradictoires. C'est pour ça que les gens de la passion, ils ne peuvent pas s'unir. Les gens de la passion, ils ne peuvent pas s'unir. Et c'est pour ça que tu vois, par exemple, les gens de la passion, ils essaient toujours de s'unir autour d'une cause. Ils cherchent quelque chose qui va faire en sorte qu'ils vont pouvoir s'unir. Parce que la base de ces gens-là, c'est qu'ils sont divisés. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher une cause pour s'unir. Et même s'ils savent que fondamentalement, ils sont tous désunis. Mais du moment qu'ils ont terminé de travailler pour cette cause, et que la cause pour laquelle ils se battaient est terminée, eh bien, là, ils retournent à leur division précédente et ils commencent à s'entre-déchirer les uns les autres. Hein? Et c'est ça la réalité. Et donc, tu vois par exemple les exemples de ce qui est arrivé par exemple au Mujahideen en Afghanistan quand ils combattaient contre les Russes. Hein? Donc là, ils étaient tous unis pour combattre un ennemi commun, les soufis, les chiites, les laïcs, les démocrates, les différents groupes de partis qui se prétendent faire le djihad et être des mujahideen. Mais ils n'ont pas tous le même manhaj, ils n'ont pas tous la même aqida. Ils ont chacun un groupe, chaque groupe il a son manhaj, et chaque groupe il a sa aqida, et chacun il prétend qu'il défend l'islam et qu'il veut faire le djihad pour établir un état islamique, et ainsi de suite. Aussitôt qu'ils ont détruit l'ennemi et qu'ils ont réussi à reprendre la capitale, hein, je me rappelle ce jour-là quand ils ont repris Kaboul, et alhamdoulilah, les mujahidins ont repris Kaboul, ça y est. Aussitôt qu'ils l'ont pris, ils ont commencé à la guerre entre eux, chaque groupe contre l'autre. Et en Syrie, c'est la même chose. Parce que quand ils ont un but ou un objectif commun, une cause commune, ils sont capables de s'unir. Mais du moment que cette cause commune s'est réglée, là, la réalité qui les divise réapparaît. Et c'est là que l'animosité revient et qu'ils commencent à s'entretuer. C'est pour ça que ces gens-là n'aiment pas les gens qui appellent à la salafie. Parce que les salafis disent, réglons tout de suite les questions fondamentales qui nous divisent dans la croyance et dans la méthodologie en premier, et revenons tous ensemble à la sunna et repentons-nous de nos innovations ou de nos égarements, laissons-les et revenons à la sunna et à la voie des salafs. Ensuite, on va travailler ensemble pour établir l'islam. Eux, ils disent, non. Ça va être trop long. Ça prend trop de temps de faire ça. Nous, on veut aller vite. Et on veut établir quelque chose demain. Donc, on va travailler pour faire ça. Puis après, quand on a fini d'établir l'État islamique, là, on va commencer à essayer de faire l'union et de corriger les erreurs. Mais ça, c'est du mensonge. Et c'est de la folie. Et c'est de l'impossible. Il y en a une fois, je me rappelle, j'avais fait une khutbah, je n'avais pas parlé d'aqidah, j'avais juste parlé d'un élément qui fait partie des éléments de l'islam, comme par exemple le fait de ne pas raser la barbe. Je m'excuse mon frère, je sais que toi tu n'as pas de barbe, mais ce n'est pas pour viser quelqu'un en particulier, c'est juste pour parler de cet événement-là, qu'est-ce qui est arrivé. J'ai fait une khutbah, j'ai expliqué dans cette khutbah les preuves de l'obligation de laisser la barbe et l'interdiction de la raser. Alors là, ils m'ont critiqué de tous les côtés. Ils ont dit, mon frère, pourquoi tu fais une khutbah sur l'obligation de la barbe? Il y a des choses plus importantes. Hein? Il y en a qui disent parfois, il y en a qui disent, ah oui, les musulmans sont allés sur la lune, puis toi tu parles de la barbe. Je l'ai dit ça dans la khutbah. J'ai dit, subhanallah, est-ce que le fait de laisser ta barbe, ça t'empêche d'aller sur la lune si tu veux y aller? Des fois, il y en a des gens, ils ramènent des contradictions, des choses comme ça, comme si pour essayer de montrer que c'est quelque chose qui est conflictuel, alors qu'il n'y a aucun conflit entre les deux. Ils vont te dire, par exemple, « Ya akhi, les musulmans, en telle place, ils sont en train de se faire massacrer, puis toi, tu parles de la barbe. » J'ai dit, est-ce que le fait de laisser pousser ta barbe, ça t'empêche d'aider tes frères qui sont massacrés à telle place? ou de penser à eux, ou de leur faire des doigts, ou d'essayer de les aider. Il n'y a pas de conflit entre l'un et entre l'autre. Donc pourquoi? Pourquoi tu ramènes cet exemple? Parce qu'ils veulent suivre leur passion. Si je fais une khutbah ici, et je commence à parler de ces affaires politiques, qu'est-ce qui se passe dans le monde, et je sais que moi, aujourd'hui, ici à Montréal, il n'y a rien que je peux faire physiquement et concrètement pour leur venir en aide immédiatement. Impossible. À part de faire des doigts, c'est pas possible que je fasse rien pour les aider directement. Mais par contre, si je commence à te parler de ta barbe, ça c'est quelque chose que concrètement tu es capable de faire. Et que c'est une responsabilité qui te revient à toi en tant que musulman, en tant qu'individu. Et le matin, quand tu te lèves, tu es capable de dire au rasoir, non, je te mets à la poubelle. Mais ça, étant donné que tu es capable de faire quelque chose que c'est concret, il ne faut pas en parler. Il faut parler des choses abstraites et des choses loin. Parce que là, ça permet qu'on va toujours parler, parler, parler, puis on ne va jamais rien pratiquer. Et on ne va jamais rien faire, en fait. Donc c'est parler pour parler. Et on s'élève, et on s'énerve, et on parle avec nos émotions, et puis on retourne chez nous, puis on dort comme si rien n'était. Alors qu'on n'a rien changé de notre façon de vivre, on n'a rien corrigé de nos erreurs, on n'a pas réformé notre personne, on ne s'est pas amélioré dans notre islam, on n'a pas essayé de se rapprocher d'Allah, et on n'a pas essayé de suivre mieux la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le résultat, il est où? Il est là. Donc, moi je leur ai dit, ils ont dit, Ari, ça, on va parler de ça, là-bas, quand on va avoir établi un état islamique. Là, quand on aura un état islamique, là, après, on va dire aux gens, laissez la barbe, et faites ci, et faites ça. Mais maintenant, là, non. Il faut commencer à parler des choses plus importantes. Il dit, qu'est-ce qui arrive si tu établis jamais un état islamique, et que tu meurs demain, et que tu rencontres Allah? Qu'est-ce qui est mieux? Que tu rencontres Allah avec ta barbe ou sans ta barbe? Tandis que si tu rencontres Allah sans un état islamique ou avec un état islamique, Allah ne va pas te demander pourquoi tu n'as pas établi un état islamique. Parce que tu n'avais aucun pouvoir, aucun contrôle là-dessus. C'est pas toi qui pouvais le faire. Tandis que ta barbe, tu étais capable. Établir la sunna, tu es capable. Te lever pour Fajr, venir faire la prière, tu es capable. C'est quelque chose que tu es capable de prendre ton réveil, de te lever, de dire, bon, ça y est, je me force pour sortir. Même si c'est difficile. Mais je fais un effort. Tu es capable de dire, ça y est, j'écoute plus de musique. J'ai décidé que, yani, ça y est, j'arrête. J'ai décidé que je ne veux plus regarder de films. Et je vais arrêter d'écouter des choses haram. Ça, tu es capable de le faire. Parce que tu as un contrôle direct sur ça. Mais les autres choses... Qu'est-ce qui se passe en Afghanistan? Qu'est-ce qui se passe en Syrie? Qu'est-ce qui se passe en Bosnie? Qu'est-ce qui se passe en Tchécoslovaquie? Ça, qu'est-ce que tu vas faire? Même si tu pouvais faire... Même s'il y a quelque chose... T'es pas un chef d'État. T'es pas un chef d'une armée. T'as pas une responsabilité sur le plan international pour régler quoi que ce soit de ces choses-là. Donc, pourquoi tu parles de ça comme si toi, tu allais changer le monde? Concentre-toi sur toi et dis-toi, si je meurs demain... La première chose qu'il va me demander, Allah, c'est quoi? Qu'est-ce qui est le plus important? Donc, ça, c'est les choses importantes. Bon. Et ça, ça a un lien avec ce qu'on est en train de parler, parce que les gens de Bid'a, eux, ils essaient toujours de détourner les gens de revenir à la sunna et de s'accrocher à ça. Donc, le Cheikh, il dit, فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ يُرِيدُ أَنْ يُحَقِّقَ رَغْبَتَهُ. Donc, chacun, il veut uniquement satisfaire son désir à lui et son objectif. Il veut juste réaliser ce qu'il aime, lui, et ce qu'il veut. Et il veut s'accrocher à son opinion personnelle et il veut persister à rester sur son idée à lui. Parce que la personne qui suit sa passion, il n'est pas possible pour lui de revenir à la vérité, même si tu lui clarifies, même si tu lui montres la vérité claire comme le jour. Il ne peut pas revenir à la vérité parce qu'il est aveuglé. Tu sais, des fois quand on dit l'amour est aveugle, tu dis à quelqu'un, Yahri, cette femme elle est pas bonne pour toi, marie-la pas. Elle a ça, elle a ça, elle fait ça, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Et toi, tu es pas ce genre de personne qui va avec ce genre de, hein, de tempérament, de personnalité, de catégorie de personne. Donc, réalise ça. Et lui dit, non, mon frère, elle est bien, hein. Et puis elle est belle, et puis je l'aime et tout. Et ben, la bid'a c'est comme ça. Hein? La bid'a c'est comme ça. Quand t'es amoureux là, hein, tu vois plus la vérité clairement, parce que l'amour t'a aveuglé. Eh bien, l'amour de la bid'a, elle t'aveugle aussi, la même façon. Là, exactement pareil. Donc, même si tu lui montres toutes les choses, non, c'est ça, ça se peut pas. Et peut-être même, il va voir même des choses de la fille qu'elle fait qui sont pas bonnes avec ses deux yeux. Il va lui donner des excuses. Non, c'est pas vrai, elle a pas fait ça. Elle est pas comme ça. Peut-être que j'ai mal vu ou des choses. Mais ça, c'est exactement la même chose avec la bid'a, même pire parfois. Allah musta'an. Donc il dit wa amma man taraka al-haq. On va lire ce dernier paragraphe, après on va s'arrêter, inshallah. Il dit, subhanallah, il explique la parole, le hadith. Le cheikh il dit wa amma man taraka al-haq. C'est tellement intéressant, j'ai même pas envie de m'arrêter. Ben, je pense qu'on va s'arrêter ici, ok? On va continuer au prochain cours, le reste, parce que c'est trop bon. Si je m'arrête pas ici, je vais pas m'arrêter du tout. Donc, c'est mieux que je m'arrête maintenant. Al-Kalam Laziv. Le cheikh, là, il va expliquer la parole du professeur Sam quand il compare la bid'a ou la passion avec la rage. Il donne des exemples, des explications. Subhanallah. Tayyib, tayyib. Donc, on va s'arrêter ici. Et au prochain cours, on va faire la suite de cette explication. Il dit. Juste un petit peu, hein? Un petit peu, inshallah. Bon, dernier paragraphe, après on s'arrête. Il dit wa amma man taraka al-haq an jahl thumma buyina lahu dhalik wa ada ilayh fa hadha la yudham ala fi'lihi li'annahu ma tarakahu raghbatan anhu aw kana tarkuhu an ijtihad wa ghalabat dhann أنه على حق ثم إنه اجتهد في طلبه ولم يوفق له ولكنه لو تبين له الحق لرجع إليه فهذا لا يذم كذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم ثم أصاب فله أجران وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر فإذا كان الاختلاف ليس عن هوى وإنما هو عن جهل أو عن اجتهاد في طلب الحق ولم يصبه فهذا لا يذم إلا إذا تعصب لرأيه ولكن الذي يذم الاختلاف الذي من أجل اتباع الهوى. Ok, donc ça c'est une distinction entre celui qui contredit la vérité par ignorance, pure ignorance, et par effort, comme s'il a fait un effort pour connaître la vérité, mais il s'est trompé, il a fait une erreur, sincère erreur. Celui-là, il n'est pas blâmé. Celui-là, il n'est pas blâmé de ne pas avoir connu la vérité. Mais du moment qu'on lui explique, il accepte et il revient à la vérité tout de suite. Donc lui, on ne le blâme pas. Hein? Parce que il n'a pas quitté la vérité parce qu'il veut s'en écarter ou parce qu'il préfère autre chose à la vérité. Non, il s'est écarté de la vérité soit parce qu'il a essayé de trouver la vérité, ou il a pensé, il a donné précédence à une idée, il a pensé que c'était plus vrai que qu'est-ce qu'il a pensé avant, mais après on lui a clarifié la vérité, puis il revient. Hein? Donc si par exemple un savant ou quelqu'un qui est un talib, il cherche la vérité dans une question, puis il n'arrive pas à trouver la réponse correcte à sa question. Mais il a vraiment fait un effort sincère. Il était vraiment sincère avec Allah pour trouver la bonne réponse dans cette question-là. Mais il n'a pas été capable de la trouver. Hein? Eh bien, celui-là, après, quand on va venir, puis on va lui expliquer la vérité, on va dire, « Ya Akhi, toi t'as dit telle chose, dans tel livre, ou dans tel cours, tu as dit telle chose. » Il dit, « Oui, Akhi, j'ai fait des recherches, j'ai essayé de me renseigner, j'ai regardé dans tous les livres que j'ai trouvés, j'ai posé la question, et la seule réponse que j'ai trouvée, c'est cette réponse-là. » Ah, il dit, « D'accord, mais voici maintenant, moi, j'ai fait la recherche, et voici ce que j'ai trouvé, que tel cheikh ou tel hein, hadith ou tel verset dans le Coran qui dit telle chose. Hein? » Là, tu lui montres, et là, il lit, il dit, « Ah, subhanallah, jazakallah khairan, barakallah fiqh, akhi. » Et là, il retourne, par exemple, il va écrire dans son livre, faire la correction. J'avais pas trouvé telle information, et j'ai écrit dans mon livre telle chose, mais on m'a mentionné que telle information était incorrecte, et voici maintenant la bonne information, je corrige ce que j'avais dit, et je reviens sur ma position précédente, voici maintenant ce que j'ai trouvé, un frère m'a montré, ta ta ta ta ta, voici la preuve. Ça, tu vois tout de suite que c'est une personne sincère. Elle cherchait que la vérité, mais elle n'a pas été capable de la trouver. Elle a fait son effort, puis elle a trouvé quelque chose. On lui a montré la correction, il y revient tout de suite. Ça, tu dis, ça, cette personne-là, c'est une personne véridique. C'est une personne sincère, parce qu'elle cherchait la vérité, mais elle n'a pas pu la trouver. Ok ? Donc, c'est ça que le cheikh, il dit, il revient tout de suite. Celui-là, on ne le blâme pas. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si le juge, il fait un effort de jugement pour arriver à un bon jugement et à juger avec la vérité, eh bien, celui-là, il aura deux récompenses. Il fait un effort pour juger par la vérité et il a le bon jugement, la bonne réponse. Il a deux récompenses. Par contre, s'il fait un jugement et il fait des efforts pour trouver la vérité, mais il s'est trompé, il aura une seule récompense au lieu de deux. Ça veut dire que le mujtahid, le juge, quand il fait un jugement, dans tous les cas, s'il est sincère envers Allah et qu'il cherche vraiment la vérité, il ne peut pas être dans l'erreur. C'est-à-dire, il va être dans l'erreur s'il se trompe, mais il ne va pas être puni, il ne va pas être dans le péché. Pourquoi ? Parce que il est sincère, il cherche la vérité. La seule chose, c'est qu'au lieu d'avoir deux récompenses, s'il se trompe, il aura juste une. Tandis que celui qui aura la bonne réponse du premier coup, lui, il aura deux récompenses. Mais l'autre qui s'est trompé, il a une récompense pour son intention sincère, pour son effort, mais il n'a pas la récompense d'avoir obtenu la bonne réponse. D'accord ? Donc ça, c'est en ce qui concerne la personne qui a un bon manhaj, qui est sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est sur le haqq, mais il s'est trompé dans une question ou une autre. Hein? Mais pas parce qu'il ne voulait pas la vérité ou parce qu'il suivait sa passion. Donc le cheikh, il dit, ça c'est un cas. Et celui-là, on ne le blâme pas. Celui qui est dans cette situation-là, on ne le blâme pas. Mais celui qui est dans la divergence, hein, parce qu'il suit sa passion, yani celui-là, c'est lui qu'on l'a mentionné tout à l'heure. Même si tu lui montres le dalil ou la preuve, il dit, moi je veux rien savoir de ton dalil et je veux rien savoir de ta preuve. Moi c'est ça le haq pour moi et c'est ça s'arrête là. Il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de dalil, ramène-moi tous les hadiths que tu veux, je ne veux pas l'entendre et je ne veux pas l'écouter et c'est ça et c'est ça. Cette personne, tu vas dire quoi? Ça c'est un mutaassib. C'est quelqu'un qui est fanatique, qui veut rien savoir, qui veut pas la vérité. Il veut juste suivre sa passion. Donc le cheikh il dit, donc si la divergence n'est pas causée à cause de la passion, mais que c'est juste par de la pure ignorance, ou parce que quelqu'un il a fait un effort mais qu'il n'a pas réussi à trouver la vérité, eh bien celui-là il ne va pas être blâmé. Sauf si après qu'on lui explique, là il se fâche, ou il commence à s'énerver, ou il commence à rejeter la preuve, hein, là il va tomber dans la catégorie de ceux qui sont blâmés. Il va tomber dans la catégorie de ceux qui sont blâmés. Hein? Pourquoi? Parce que là, il s'accroche fanatiquement à son erreur. Mais celui qui est sincère et qui revient à la vérité, une fois qu'on lui a clarifié, c'est là qu'on voit que c'est quelqu'un de sincère. Et souvent, c'est ça qui fait la différence, souvent, entre quand on fait le, quand les ulama font le tajrih de quelqu'un, quand ils font le jarh de quelqu'un. Par exemple, il y avait un prêcheur ou quelqu'un qui appelait à la sunna et qui était salafi, et il appelait toujours à la salafia. Puis il commence à faire des règles ou des choses qui sont incorrectes, erronées, et il appelle à des choses qui sont contraires à la sunna, soit que c'est des choses claires ou subtiles, pas tout le monde peut voir que c'est une erreur. Et les ulama lui écrivent, ou les ulama lui le réfutent, et lui clarifient son erreur. Lui, au lieu de dire, effectivement, j'ai commis une erreur, je vais corriger mon erreur et je reviens sur ma parole, non. Lui, il commence à se mettre en colère, il commence à écrire, commence à insulter, critiquer, insulter les gens, hein. Oh, mais vous connaissez pas mon intention, mais c'est pas ça que j'ai voulu dire, et c'est pas ci, et c'est pas ça. Et... au lieu de dire, oui, c'est vrai, je me suis trompé, khalas. Hein? Donc, il faut, yani, savoir comment distinguer entre ces deux cas-là. Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, aujourd'hui, puis on continuera la suite de cette explication de Cheikh Saleh Al-Fawzan. Au prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayh. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.